Les débuts du danseur, par Léon Werth. Ce soir-là, mon ami n'alla point en dancing. Il me reçut dans cette chambre austère, où il aimait autrefois traiter de ces problèmes que les gens appellent graves et qu'ils ont coutume de traiter légèrement. Mais lui les touchait comme des bêtes vivantes, et il aurait honte de lui-même s'il eût adopté la méthode des gens cultivés qui méprisent le vulgaire, méthode qui consiste essentiellement à appliquer des raisonnements rigoureux à des notions vagues, ou bien à penser fin sur des idées grosses. « Vraiment, lui dis-je, vous n'allez pas danser ce soir? Vraiment, vous renoncez aux lumières et aux pénombres du dancing? Vraiment, vous allez vous priver de l'éclatante lumière qui, comme un soleil de 14 juillet, fait plus guerrière encore l'allure martiale des danseurs de One Step? Et vous resterez tout un soir sans vous alanguir aux lueurs étranges et tamisées qui enveloppe si poétiquement les danseurs de Boston et les danseurs de tango. Tout un soir, sans échanger avec une danseuse quelques mots imprévus sur la qualité du parquet ou même de l'orchestre. Car il est, n'est-ce pas, des danseuses artistes à qui l'on peut montrer sa culture musicale et parler d'autre chose que des vertus glissantes ou résistantes du parquet. D'ailleurs, pour un vrai danseur comme vous, parquet et musique ont à peu près la même valeur. L'un porte et l'autre pousse. « Raillez, raillez, » me répondit-il, « j'ai connu cela. Ce n'est qu'envie et honte déguisée. Vous vous vengez de ne point comprendre et de ne point pouvoir. Vous êtes en face de la danse comme un infirme qui serait à la fois aveugle, sourd et cul-de-jatte. De J'ai passé par là. Et un jour, vous avez eu la révélation ? Pourquoi pas ? Racontez-moi. Trop difficile, trop lyrique. Cette révélation, vous l'avez eue tout de suite, dès le début ? Certes non. Mais le début, terrible. N'essayez pas de danser si vous n'avez pas le courage d'affronter ce calvaire. Ce n'est point assez dire que je n'avais jamais dansé. En ce temps-là, j'aurais affirmé de bonne foi que je ne consentirais pas à la déchéance de devenir un danseur. Et si l'on m'eût demandé si je savais danser, j'aurais répondu, comme ce personnage d'Almana à qui l'on demandait s'il savait nager, « Je ne peux pas vous dire, je n'ai jamais essayé. » Un jour, j'ai essayé. Mes jambes balbutièrent et furent ataxiques. Ce ne fut alors que la volonté de vaincre une difficulté. Je franchis la porte d'un cours de danse. Il y avait là des dames mûres, solidement sanglées, comme on en rencontre le dimanche sur les bords de la Marne ou sur les bords de l'Oise. Des jeunes filles habillées comme jadis s'habillaient les jeunes filles pour le bal. Des employés qui s'efforçaient de ressembler à des boxeurs ou aux messieurs du pesage. Et quelques polytechniciens qui faisait militaire de noces. Il y avait même un étudiant barbu qui me fit penser à un interne de 1880 et qui me fit pleurer sur le passé. Alors, j'entendis un commandement militaire. Mesdames à gauche, messieurs à droite. Et les deux sexes se rangèrent sur deux files, chacun de son côté. Le professeur, au milieu de la salle, les talons joints, lança un autre commandement. Pas brésilien. Un, deux, trois, 4. Quand il eut montré le pas, les deux files des deux sexes l'exécutèrent en tournant autour de la salle. 1, 2, 3, 4. Sans musique. On n'entendait qu'un bruit de souliers, j'allais dire de godillot. 1, 2, 3, 4. Cela me rappelait l'exercice dans les chambrées. Je désertais. Je quittais les rangs. J'allais m'asseoir sur une chaise, hypnotisé, n'osant pas fuir tout à fait, ne sachant pas si je devais montrer l'ironie la plus cruelle ou simuler une paralysie soudaine de la jambe. C'est alors que, sur l'ordre du professeur, les deux sexes s'affrontèrent par couple et tentèrent d'exécuter simultanément le pas brésilien. 1, 2, 3, 4. Mais désormais le piano martela. À l'arithmétique du mouvement d'ensemble s'ajouta une arithmétique musicale plus terrible encore. La pianiste enfonçait les notes comme des clous. Les danseurs contemplaient leurs pieds et semblaient vouloir écraser sur le parquet on ne sait quels insectes. Il y avait une danseuse agréable, vraiment jolie, je crois. Ses mouvements étaient souples, mais sa main nue était dans la main nue de son partenaire, l'élève danseur. Cette promiscuité me parut ignoble. La jeune femme semblait participer à une scolaire et morne saturnale. Je contemplais la gauche et militaire obéissance des talons masculins. Je contemplais aussi la tapeuse de lente, usée, vieillie en mollesse et qui portait lorgnon. On eût dit une institutrice qui aurait eu des malheurs. quand le professeur parlait et qu'elle ne jouait pas, elle lisait un livre. Mais lequel? Et depuis, j'en ai vu bien d'autres, des tapeuses. J'en ai vu des jeunes, des robustes, aux beaux bras d'ouvrières du piano, à leur façon de taper, et j'ai appris à connaître leur âme. Ce jour-là, quand je fus dans la rue, j'eus le sentiment d'avoir échappé à l'enfer. J'avais renoncé à la danse. Une autre fois, j'accompagnais un ami en spectateur. C'était une autre académie de danse, au fond d'une cour, un local sombre. Les murs étaient couverts d'une étoffe à raies et ramages. Un jour funèbre tombait d'en haut, à travers le vitrage grillé, un jour qui semblait ternir les glaces. Une affiche représentait un couple tournant avec ivresse. Cela sentait le musc et la graisse aussi, parce que la cuisine était à côté. C'était le cours supérieur. Point de démonstration, on dansait. La maîtresse de danse ressemblait à un portrait d'Ingres, ou plutôt à ces images de 1830, Ingres pour chicorée, qui représentaient les parties du monde sous les apparences de belles femmes au corps puissant et aux membres en fuseau et qui s'appelaient, je crois, Ourika ou bien Soulika. Les élèves s'appliquaient. Un japonais anguleux et précis, un jeune homme qui avait l'air de préparer un examen, un rasta habillé de beige, un colosse à face de garçon d'abattoir, des jeunes filles aussi minces que sur les illustrés, une dame quinquagénaire au visage en pagaille et qui louchait. Le garçon d'abattoir la fit danser. Elle penchait et renversait la tête comme si elle eût été en extase. Mais comme il passait devant moi, le garçon d'abattoir me fit un sourire en coin. Il raillait sa danseuse. Pas très joli ce sourire, pas très chevaleresque. Odieux, oui, odieux. La vieille dame, elle, n'était que ridicule. Vous pensez que je fus à tout jamais dégoûté? Que vous connaissez mal les hommes. Un jour, je pris rendez-vous pour une leçon particulière. Je sentais bien que je ne pourrais jamais, en public, m'initier à ce mystère. La veille, je pensais à cette première leçon, comme on pense à un rendez-vous avec un grand médecin, dont on attend un pronostic de vie ou de mort. J'attendais le verdict du professeur. Comme j'entrais, un monsieur décoré, d'une importance sobre, si je puis dire, sortait. Il ressemblait à un gouverneur des colonies ou un grand chef d'industrie. Il sortait avec un visage impénétrable. On n'aurait pas su dire s'il venait de quitter un conseil d'administration ou s'il sortait d'un mauvais lieu. Oui, c'est étrange. J'étais gêné comme en un mauvais lieu. Mais peut-être n'était-ce que la peur du ridicule. Savoir danser, à la rigueur. Mais apprendre à danser. Toujours est-il qu'un jeune homme achevait de prendre sa leçon. En hâte, je le regardais. Puisse-t-il ne pas me connaître? Non. Nous ne nous sommes jamais vus. Il n'y a là que des visages inconnus. Je suis rassuré. Je puis en paix tenter d'entrer dans la carrière. C'était les débuts du danseur, par Léon Werth.